Donc bonsoir à toutes et à tous. On est absolument ravis de poursuivre donc ce séminaire vidéo des premiers temps. Donc pour cette deuxième séance qui, comme les prochaines, a lieu effectivement à la BNF Richelieu. Les prochains rendez-vous, ce sera le même endroit. Hein. On ne se retrouvera plus normalement à l'INHA, mais bien dans cette salle-là tout au long de l'année. Cette deuxième séance, évidemment, vous en connaissez déjà l'intitulé. Il s'agit aujourd'hui de travailler sur les toutes premières expérimentations qui ont été menées en France en vidéo légère, et en particulier les toutes premières appropriations militantes, avec un certain nombre d'invités que nous sommes absolument ravis d'accueillir. J'ai face à moi Paul Roussopoulos, ici présent, que nous remercions beaucoup de venir aujourd'hui. On a l'honneur de profiter de l'un de ses séjours parisiens alors que Paul Roussopoulos vit à Molignon en Suisse, donc près de Sion. Donc on est absolument ravis de t'accueillir, Paul. Paul Roussopoulos, donc pionnier, comme les personnes que je présenterai dans un second temps, pionnier de la vidéo légère en France, compagnon de Carole Roussopoulos, pionnière de la vidéo militante qui a, avec toi, Paul, qui est à l'origine du collectif Vidéo Out, dont on a déjà beaucoup parlé avec Anne-Marie Duguay au moment de la séance d'inauguration. Carole Roussopoulos disparue prématurément en octobre 2009, et qui était aussi une très connue, évidemment, pour ses engagements féministes, mais au-delà. Paul est également et de formation physicien, il est chercheur, physicien mathématicien, il est peintre également, tu as par ailleurs aussi une pratique artistique, je pense que c'est important de le souligner. Donc nous, évidemment, nous te donnerons la parole tout à l'heure. Nous accueillons également, donc je fais maintenant dans l'ordre de présentation autour de la table, Jean-François Dars, ici présent, et Anne Papillot à sa droite. Donc tous les deux, également donc des pionniers, là c'est plus un scoop évidemment, des pionniers de la vidéo légère en France, qui, bon tant pis, je dis quand même le nom parce qu'ils risquent d'émerger. Moi longtemps et mes camarades chercheurs ont cru que vous étiez à l'origine d'un groupe qui s'appelait Les Loulous, alors qu'en fait il ne s'agissait pas d'un groupe, mais simplement d'un surnom donné au travail que vous meniez à deux. Mais enfin, votre nom apparaît aujourd'hui dans les livres d'histoire tel quel. Et donc, on parlera notamment avec vous. Donc, vous êtes réalisateur, chercheur aussi au CNRS, et vous êtes aussi à l'origine donc du collectif Slon Vidéo. Donc, ce sera une expérience qui sera évoquée aujourd'hui avec vous. Ensuite, à la droite d'Alexandra Roussopoulos, Jean-Paul Fargier. Donc, alors, plusieurs casquettes également pour Jean-Paul. Donc, tu es critique, tu es réalisateur, tu es enseignant également. Avec Daniel Gégy, tu as fondé le collectif Vidéo Les Sans Fleurs en 1973. Mais auparavant, donc dès avant donc, cette année 1973, qui est une année importante, vraiment, parce qu'on voit l'explosion, en quelque sorte, moi, il me semble, à partir de cette date-là, de pratiques vidéo. Mais tu as, en réalité, également pratiqué de la vidéo en amont, donc tu reviendras, on t'écoutera. Et ton trajet, notamment, je dirais, du groupe, enfin, de la revue, pardon, et du groupe cinétique vers la vidéo, et de ton cheminement vers la vidéo contre ta pratique antérieure dans le champ du cinéma militant autour de cinétique, ce sera évidemment aussi un aspect extrêmement important pour lequel on aimera beaucoup t'entendre. Et puis, à la droite de Jean-Paul, Jean-Henri Roger, également, vous êtes tous de toute façon évidemment cinéastes, pionnier aussi de la vidéo, et Jean-Henri nous parlera notamment de sa pratique vidéo, en l'occurrence aux côtés de Jean-Luc Godard. Enfin, tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure, et l'expérience très peu connu, et je suis absolument ravie que tu acceptes, parce que tu m'as redit tout à l'heure que c'était rare que tu témoignes de cela. Je suis absolument ravie que tu acceptes de témoigner de l'expérience de Thélé Maspero, sur laquelle on a extrêmement peu d'informations, donc au tournant, disons, de l'automne 68 et surtout de l'année 1969. On t'écoutera évidemment à ce sujet tout à l'heure. Donc nous vous remercions, voilà, au nom de l'équipe, vraiment de votre présence ce soir. C'est donc un programme extrêmement chargé. On est extrêmement content, évidemment, que précisément vos témoignages puissent être croisés, s'enrichir. Donc la rencontre d'aujourd'hui est vraiment conçue, comme je l'avais déjà dit en introduction la dernière fois, comme une séance de travail, c'est-à-dire que c'est avant tout une table ronde, et la disposition de cette salle nous y invite. Et avant de donner la parole à nos invités, autour de quatre points que je représenterai tout à l'heure. On a conçu la table ronde comme articulée autour de quatre grandes problématiques. Je donne la parole à Sébastien Laïerle pour que tu puisses présenter le contexte de l'apparition de la vidéo militante en France dans l'immédiat après mai 68, sachant que Sébastien a écrit une thèse, est spécialiste donc outre des cinémas militants, en particulier de l'expérience cinématographique autour de mai 68. Donc c'est le contexte à partir duquel on part aujourd'hui.